Merci à tous, merci à vous. Donc là maintenant, la parole est à vous pour poser les questions que vous souhaitez à nos trois intervenants. Donc je rappelle le ciel, la mer et la forêt. Voilà, donc je fais passer le micro à ceux qui veulent poser des questions. Je voulais savoir par rapport à l'augmentation du taux de CO2, quand vous dites qu'il y a une augmentation lors de la mortalité des arbres, est-ce que c'est dû parce qu'il y a moins d'arbres, donc moins d'absorption de CO2, ou vraiment il y a un rejet de CO2 lorsqu'un arbre meurt ? Ben, lorsqu'un arbre meurt, oui. En fait, on perd une partie du stock de carbone de la forêt, donc qui retourne à l'atmosphère. D'accord, merci. Alors, moi, j'ai une question pour le monsieur de la mer. C'est, on n'a pas trop parlé du puits de carbone quand on parle des océans. Alors, on ne sait pas trop comment il va évoluer. Est-ce qu'au niveau des carbonates, par exemple, est-ce que la température, l'augmentation de la température de l'océan va favoriser la précipitation des carbonates, ou au contraire, est-ce qu'il s'acidifie, donc est-ce que ça devient une source de carbone ? Comment ça évolue à ce niveau-là ? Effectivement, on va plutôt dans le sens d'une acidification des océans, donc avec une plus grande difficulté pour les organismes qui ont des squelettes calcaires à faire leur croissance. Donc on est plutôt sur des hypothèses d'acidification des océans. Après, donc, en termes de sources et de puits, il y a des mesures actuellement sur les différents océans, notamment dans l'embouchure de l'Amazone. Des programmes actuellement visent à essayer de quantifier les flux. Pour l'instant, c'est assez hétérogène. Il est difficile de dire grand-chose en termes d'évolution dans l'avenir, notamment parce qu'on a aussi la question des courants qui vont peut-être évoluer. Il y a tellement de paramètres. Pour l'instant, c'est en cours de mesure. Et difficile de généraliser. Oui, l'impact de la Guyane, est-ce que c'est le même de Suriname, Georgetown ? Parce qu'en Guyana, il fait très très chaud. Suriname, il fait chaud. Et en Guyane, il fait chaud. Alors, quelles seront les conséquences des trois plateaux ? Les conséquences à quel niveau ? L'impact négatif et positif. Est-ce que vous travaillez ensemble ? On collabore ensemble avec différents services, puisque nous fournissons des données météo aussi bien au secteur de la mer que pour tout ce qui est secteur terrestre également, forêt et autres. Je crois que la question est de savoir si l'impact prévu pour la Guyane sera le même au Suriname ou je pense que ce sera le même, puisqu'en fait, que ce soit à l'échelon mondial ou à l'échelon local, on va constater une augmentation des températures. Donc, après, par contre, au niveau de la pluviométrie, c'est vrai que nous sommes dans une zone très, très variable. Cette répartition au niveau mondial ne sera pas forcément la même. Au niveau des plateaux des trois Guyanes, je pense que ce sera à peu près le même impact. Hein. Donc toujours des quantités de pluie à peu près identiques à celles que l'on connaît, mais avec une variabilité toujours plus des phénomènes extrêmes plus fréquents. Moi, je dirais qu'au niveau marin, on va avoir les mêmes types de conséquences. C'est le même écosystème. On a un écosystème homogène finalement depuis l'embouchure de l'Amazone jusqu'à l'Orénoque au Venezuela, avec les mêmes caractéristiques d'un écosystème marin influencé par l'arrivée des eaux amazoniennes. Les mêmes caractéristiques de température, de salinité, bon, avec un gradient évidemment d'est en ouest, mais globalement on a la même biodiversité, les mêmes espèces et les mêmes caractéristiques physico-chimiques, hormis le gradient. Donc les conséquences prévisibles risquent d'être du même ordre pour le plateau des Guyanes, quoi. Enfin, à mon sens. Hein. Excusez-moi, j'ai juste une remarque à faire. Moi j'ai joué avec le simulateur du site La Canopée des Sciences. Et j'ai pu constater que le Suriname et le Guyana ont l'air d'être à altitude plus basse. La plaine littorale a l'air d'être un petit peu plus basse en altitude. Donc peut-être plus vaste et plus sensible à la montée des eaux. Bon, la montée des eaux, c'est assez difficile d'en parler parce qu'elle ne sera pas homogène. Même si les modèles prévoient, on va dire, je dis un chiffre totalement au hasard, si on prévoit un mètre de montée d'eau, ça ne sera pas un mètre partout. Il y aura des endroits où la montée d'eau sera plus importante, d'autres où elle sera nettement moins. Donc c'est, à l'heure actuelle, les prédictions ne sont pas suffisamment fiables ou suffisamment fines pour pouvoir le faire correctement. On peut prévoir quelque chose d'à peu près, de, quelque chose de moyen, mais après pour le cibler régionalement, c'est beaucoup plus difficile. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, donc Fabien l'expliquait tout à l'heure, il y a une partie liée à la dilatation de l'eau due à la température, mais il y a également la partie fonte des calottes polaires. Et donc les prévisions pour ces fameuses fontes, donc a priori la calotte arctique, donc le pôle nord, on devrait la voir fondre, du moins la partie glace de mer devrait disparaître d'ici les années 2050-2070. Au niveau de l'Antarctique, ce n'est pas encore certain. Il semble que l'impact soit moins important là-bas. Donc on ne sait pas encore très bien comment vont réagir les glaces de mer dans les décennies à venir. Il semblera à peu près avéré qu'au niveau du pôle Nord, on ait effectivement une diminution de la glace, donc un apport d'eau significatif par cet endroit-là. Fabien, tu confirmes ? Oui, effectivement, on observe déjà des fontes très importantes, hein, des calottes polaires, que ce soit au nord ou au sud, avec sur le continent sibérien, par exemple, ce qu'on appelle le permafrost, donc des terres qui étaient gelées en permanence et qui maintenant, saisonnièrement, sont moins gelées. Donc il y a aussi des conséquences à ce niveau-là. Alors après, la question de savoir si les glaciers marins, lorsqu'ils fondent, apportent plus d'eau dans l'océan et contribuent de l'élévation. Moi, ma connaissance, c'est surtout la fonte des glaciers continentaux, hein, qui amène de l'eau supplémentaire dans l'océan. Maintenant, je ne suis pas spécialiste non plus de la physique des océans.